Les deux nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine, Les 12 coups de minuit de Sean Garrity en français. Tu sais que Katie n'est pas toujours facile à vivre. Je tiens à ce qu'elle travaille pour nous, c'est une entreprise familiale. Tu veux rire? Travailler pour ma belle-mère et ses deux punaises, tu ne sais pas où ça peut tenir. Je tenterai ma chance. Tu n'as rien à perdre. Ça va? Je vais réessayer. Ok. Je vous présente Katie Castle. Oui, la fille du président. J'ai quelques idées pour cette robe. Déboutant. De mon temps, on appelait ça un succès. Elles m'ont volé mes idées. Elle s'est fichue de moi et j'ai marché à 100%. Je ne peux même plus travailler dans l'entreprise familiale. Tu dois retourner chez Castle, sous les traits de quelqu'un qu'ils écouteront et qu'ils prendront au sérieux. Ned Ganymede, j'ai rendez-vous avec Lee Castle. Lee Castle, vous êtes attendu à la réception. Votre rendez-vous de 14h. Là, et il est dans une forme olympique. On ne se serait pas déjà rencontrés? Pas dans cette vie, en tout cas. Oh, mais... Daniel, tu devrais te joindre à nous. Maurice organise une fête en mon honneur. Ne laisse pas choisir le lieu. Oh, quel dommage qu'il soit hétéro. Voici le curriculum de Ned. Fouillez-le. Bonjour, Chanel. Buongiorno, Gucci. Très talentueux et aussi très beau. Tout le monde adore Ned. Je commence à l'aimer moi aussi. Ravissant, t'as un truc sur la joue? Oh, oui. C'est une bandelette démaquillante. Je t'en prie, entre. No, I don't believe you. Elle doit avoir de la difficulté à choisir une robe. Say that everything's fine. I wanna believe you. Salut. Wow. But I just don't. Nous allons accepter l'offre de Colin. Vous ne pouvez pas vendre qu'un seul. Il a toute notre collection. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'ignores? Non. Moi, je pense que tu m'ignores. Non. Je n'arrête pas de penser à elle. Ça semble trop beau pour être vrai. Get, le procès de Viviane Amsalem, de Shlomi et Renit Elkabetz, en arabe avec sous-titre français. Ayrota. Get! אתה אמר אמסלם. היית רוצה לתת לאישה זו גט? לא, עוד הרב. בכל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין עליו להתייצב, היה שמרשתי אינה מפקר עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע. על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. לא. אינך מוכן לתת לה גט? לא, כבוד הרב. ובשל מה באת עד הלא? כדי לומר לא? כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה זו לחיות עם גבר זה. שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יראה אותי מעוסקת על ארבע, הוא לא יירגע. וגם אז לא יספיק לו. Focus, de John Ricra et Glenn Ficarra, en français et en anglais. Voilà ce qui arrive quand on engage un escroc. Je peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est toute une science de les persuader de te faire confiance. Je veux en faire partie. T'es pas encore assez doué pour ça. Mais peut-être que tu pourrais tout m'expliquer dans ta chambre. Ah, c'est trop mauvais. Ça l'est. Tu fais la sexy avec moi ? Un peu. Un peu. Ok, allons-y. On est 30 dans l'équipe. Ils ont tous droit à leur pourcentage. Ils frappent vite et s'en vont. Qui est cette fille ? C'est notre stagiaire. Tu te la tapes ? Pardon, mais je suis là. Non, Farad, je me la tape pas. Tu devrais. Tu ne lâches jamais ton arnaque. Tu ne casses jamais. Make me sway. Pourquoi je ne vois que des blancs ici ? Je les suis là. Quoi ? Oh, félicitations, tu es une criminelle. Et une des meilleures que j'ai jamais vues. C'est quand le véritable coup ? Vous n'êtes pas des grands bandits ? Taxi driver. Tu veux dire celui où on se fera tellement d'argent qu'on prendra tous notre retraite ? I swear I've got three lives balanced on my head like stick knives. Discrétion totale, aucune erreur. I can't tell you the truth about my disguise. Tu m'as l'air digne de confiance, mais tu ne me connais pas. If it brings me to my knees. C'est ta nouvelle cible ? C'est fantastique. Il est trop dangereux pour se faire trahir. Tout est là. 1 100 000. Nicky, cet argent m'appartient aussi. Voilà que ça devient vraiment intéressant. Il n'y a pas de place pour l'amour dans ce jeu. Tu pourrais en mourir. Qu'est-ce que ça te fait ? Wow. Il y a deux sortes de gens dans ce monde. Il y a les dominants et les dominés. À toi de choisir ton clan. No, oh, it's a bad religion. Aussi à la maison de cinéma cette semaine, Still Alice de Wash Westmoreland et Richard Glaser en anglais. Le Spa a remonté le temps 2 de Steve Pink en français. Duff de Harry Sandel en français. Astérix, le domaine des dieux, de Alexandre Astier et Louis Clichy en français. La chanson de l'éléphant de Charles Binamé en français. Timbuktu de Abderrahman Sissako en arabe avec sous-titres français. Kingsman, service secret de Matthew Vaughn en français et en anglais. 50 nuances de gris de Sam Taylor Johnson en français et en anglais. Bob l'éponge, le film Éponge à cordeaux de Paul Tibbitt en français. Samba de Eric Toledano et Olivier Nakache en français. Paddington de Paul King en français. Tireur d'élite américain de Clint Eastwood en français. Le jeu de l'imitation de Barton Tilden en français. Et spécialement pour la semaine de relâche, Une nuit au musée, Le secret du tombeau, Les pingouins de Madagascar, Les nouveaux héros et Dragon 2.